violence, police, drogue, c'est la vie qu'on mène. Transact sur TikTok, c'est la vie qu'on mène. Voilà là, je fais du feu, je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Voilà là, je fais du feu, je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Violence, police, drogue, c'est la vie qu'on mène. Transact sur TikTok, c'est la vie qu'on mène. Voilà là. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Voilà là, je fais du feu. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. J'arrive en black block, trim à refait pas de lock. Stream en avant le ras le clic, je les allume à 4 blocs. Ras le bat, motherfuck, nique la rue, parle pas de ça. Tout le monde suce Wayne, Kazakh noir, Matt Bruce Wayne. Je suis né dans un virage à 150 brûlé. Pas de feu, t'insiste trop, cher comme un 6 gros brûlé. La juge a pas de marteau, ça tape, ça rentre, ça sort du placardo. J'ai pas besoin de foi, j'ai besoin du gaillardo. Y'a plus rien de compliqué, on attend pas le briquet. Ils aiment gagner les ballons d'or, on aime les fabriquer. Va te faire marcher les riffs, ta merde est tapis frampi comme Jean-Luc. La zone est claire, c'est carré comme mon huc. Je m'endors avec la coupe, je les fais, je les refais comme un gangréneur. Crampon joueur et costume d'entraîneur. C'est Zidane sur son trône, carrière, son coltard quand on a. L'année prochaine, je rachète le championnat. Police, drogue, c'est la vie qu'on mène. Transact sur TikTok, c'est la vie qu'on mène. Voilà là, je fais du feu. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Voilà là, je fais du feu. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Violence, police, drogue, c'est la vie qu'on mène. Transact sur TikTok, c'est la vie qu'on mène. Voilà là, je fais du feu. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. Voilà là, je fais du feu. Je suis rapide, attrape-moi si tu peux. J'arrive en plaque, c'est risque, claque, c'est dans l'axe. C'est faux que t'atterris, t'es ta queue en 7, 5 grosses plaques, berries. On parle leur taxe et j'ai l'accès en travers, petit Chris ma gueule. Je suis sur la ligne de touche, t'as Chris Waddle. Les influenceurs à la con, crois qu'ils ont percé l'aise. On rentre chez Mercedes en Mercedes. J'explique le phénomène, le score je le mène. À ce qu'il y en a qui m'ont fait qu'on pas réussi à faire le même. Frère, on va pas se ficher. Y'a pas de chicha, y'a pas de chichi. Là c'est la vraie Didi, t'as fait Didi. En évasion fiscale, madame est dépensière. Pour toi la bague, pour moi la financière. Ouais, 90 minutes sur le banc. Et nique les mythos de la rue, mon garçon. 700 000 banks dans les arrêts de jeu. Roi du business en prolongation. Violence, police, drogue, c'est la vie qu'on mène.